Salut les amis, alors juste un petit pré-épisode pour vous dire que cet épisode a été enregistré au téléphone, donc la qualité sera pas parfaite. Évidemment, ça aurait été mieux en face à face, mais en ce moment, c'est pas facile. Et donc, je vous invite à aller lire le livre Rire pour ne pas mourir de Jean-Marie Bigard pour le découvrir. C'est son premier livre, et il raconte toute son histoire dedans et vous allez comprendre les blessures, les choses qui l'ont mené sur scène. Voilà, il faut regarder au-delà en fait des mots crus qu'il peut avoir sur scène pour découvrir l'homme. Vous verrez que derrière l'artiste sur scène se cache un gros nounours. Alors contrairement à moi, hein, parce que moi sur scène ou en dehors de la scène, on voit que je suis un gros nounours, hein, mais lui, vraiment, faut aller gratter dans sa vie pour aller découvrir tout ça. Son livre est vraiment super, génial. Je l'ai lu et j'ai été beaucoup ému. Je me suis reconnu dans pas mal de choses concernant sa carrière et tout. C'est vraiment génial, quoi. Vraiment, il a fait un livre à cœur ouvert et je vous invite à aller le lire. Je ne peux pas vous dire mieux. En attendant, je vous souhaite un très bon épisode et merci beaucoup. À très bientôt. Bis à tous. Même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui un invité exceptionnel, quelqu'un qui m'a inspiré depuis tellement longtemps. Son histoire est vraiment passionnante et je vous invite à la découvrir. Mesdames et messieurs, le grand, l'unique Jean-Marie Bigard. Ça va, c'était bien comme présentation? Merci, Sofiane. Mais ça vient du cœur, vraiment. J'ai que des anecdotes, mais qui sont plutôt très positives, tu vois. Ah, d'accord, oui. J'ai pas de, si tu veux, des galères, je les transforme en anecdotes rigolotes, tu vois. Ah, mais c'est C'est-à-dire exactement le que but. j'ai un talent, moi je sais transformer la merde en Nutella, tu vois. Et donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à faire ça, tu vois. Oui. Et voilà, j'ai eu par exemple comment une anecdote tout à fait mystique, quoi. Oui. Tu sais, je suis 3 semaines à l'Olympia dans mon spectacle numéro 6, je crois, si je sais, je ne sais plus. Oui. Et dans ce spectacle, tu sais, je baptise quelqu'un, c'est-à-dire, si tu te souviens de ce spectacle, j'ai une Oui. selle sur le dos, comme une selle de cheval. Oui. Et le mec, il est monté sur moi. Il a des étriers, il est monté sur moi. Je le trimballe et je lui fais faire un baptême de scène, tu vois. Oui, je m'en souviens, Bon, oui. on est à l'Olympia. L'Olympia, ils sont en train de détruire l'Olympia. Si tu veux, ils creusent en dessous de cette ancienne Olympia. Donc, si tu veux, quand on creuse sous la terre, il remonte plein de trucs, hein. Et on est tétanisé, mon équipe. Tous les ouvreurs de Marie Talon, qui sont que des mecs à l'Olympia, ce qui est toujours le cas d'ailleurs, je crois, et on est tous tétanisés, l'impression qu'il y a un pot de colle sur notre tête, quoi. Ouais. C'est-à-dire, le spectacle, il fonctionne, du feu de Dieu, il y a autant de rire et tout ça, mais on est tétanisés, comment te dire, apeurés, comme des animaux traqués, tu vois. Ouais. Et c'était à l'époque de mon ex-femme, donc toi, il y a un moment, hein, il y a bien peut-être 12, 13 ou 14 ans de ça, D'accord. et mon ex-femme dit, bah tiens, je vais brûler de l'encens dans tout l'Olympia, et puis on va faire une prière, tous ensemble. Bon, moi, j'adore ça, hein, je suis absolument convaincu que si on fait une prière à Dieu à plus de 2 personnes, c'est-à-dire à partir de 3, en se tenant la main, nos voeux se réalisent. Et je l'ai déjà constaté 1000 fois. Là, tu me prends pour un fou. Ah Bref, non, non, pas du elle tout. prend un bâton d'encens et tous les sièges. Elle passe dans tous les rangs de l'Olympia, y Ouais. compris le balcon. Et elle met donc deux encens sur les 2190 sièges de Oh l'Olympia. punaise, elle a dû Elle mettre un me dit, tu moment, vas hein. voir, il va se passer quelque chose. On est dans la loge. On doit être 10 ou 12, toute mon équipe technique, un ami proche. J'ai dit, on va se tenir la main, et oui, je vous demande de pas vous foutre de ma gueule, hein, on va se tenir la main et je vais réciter un Notre Père. Et nous allons tous prier pour que ce pot de colle, quoi, nous quitte, qu'on retrouve l'oxygène, l'aisance, qu'on avait, le bonheur, quoi. On se tient la main, je récite Notre Père, Dans la bande, il y en a un ou deux qui poussent de rire. Ah. Je lui fais les gros yeux, tout ça. Bon, bref, tout ça est très bon enfant. Et voilà, on finit cette prière. Et je dis, Seigneur, délivrez-nous de ce, cette impression, cette angoisse qu'on a tous là, à cause certainement des travaux, tu vois, qui ont lieu en dessous et qui font remonter des mauvaises énergies, tu vois. Ouais. Mmh. Voilà, ni plus ni moins. Hein. Mmh. Arrive le moment du spectacle, je joue, les gens hurlent de rire, tout a disparu, on est dans, ah. On était dans le, dans la merde, on est dans l'eau claire. Ah oui. Tu vois, tout d'un coup, tous les mauvais sentiments. Ouais. Ont disparu. Mmh. On a retrouvé le bonheur que j'ai toujours eu, tu vois, dans mes spectacles. Et avant d'arriver, j'ai fait 4 ou 5 dates comme ça à l'Olympia. Les écoutilles étaient fermées. Ouais, et ouais. Tout d'un coup, c'est la liberté, retrouver le ciel bleu, tu vois. Ah. Et arrive le moment où donc je choisis un mec au premier rang pour lui faire son baptême de scène. Tu vois. Et donc. Je fais son baptême, il est très content, il était à un moment, il y a un téléphone avec un micro qui est sur le siège, et je lui dis téléphone chez toi, donc ça prêtait à beaucoup de rire. Ouais. Il dit tu téléphones chez toi et tu leur dis que t'es sur le dos de Jean-Marie Bigard. Donc c'était toujours très drôle. Ah bah oui. Donc le mec, ça sonne une fois, évidemment on entend le téléphone hein, dans toute la salle, il est sonorisé. On entend une sonnerie, deux sonneries, bah, je dis non, c'est grand chez toi, ils ont du mal à venir jusqu'au téléphone et tout. Non, non, mais il dit, ça va, mais j'étais sûr qu'il y a du monde chez toi, bah, il dit oui, j'en suis sûr, puisque je suis pasteur et je vis en communauté, nous sommes 28 dans la maison. Ah, c'est... Et là, d'accord. Je dis, mais attends, je me dis, bon sang, nous avons fait une prière à Dieu, et ce soir... Je baptise un pasteur. Ah, je sais pas si tu vois. Ah, bah, c'est lourd de symboles, oui. C'est une. Très, très, très, très lourd. Ah, ouais, très c'est, lourd. C'est une coïncidence de dingue. Je redescends de son siège. Il revient au premier rang ce soir, sur son siège. Et il me dit attends, je voulais te donner un cadeau. Je dis bah, écoute, t'es gentil, il s'appelle Michel Janton. Mm-hmm. Et il me donne un cadeau, manifestement c'est un livre, moi je le déballe tout de suite, tu vois, je dis ben, ça doit être une bouteille, alors c'est manifestement un livre, tu vois. Et je l'ouvre, c'est une Bible, ni plus ni moins, avec la parole de Jésus qui est écrite en rouge, une Bible merveilleuse que je garderai jusqu'à la fin de mes jours. Et sur la première page, il avait mis « ne craignez rien, Dieu... » Et là, Dieu est avec vous. Ah, c'est beau. C'est-à-dire, il me donne par écrit, quoi, une réponse à la prière qu'on a faite, quoi. Ah, mais c'est oui, quand on prie Dieu, quelle que soit notre confession, quand on s'adresse à bien Dieu, sûr. Dieu répond, Dieu répond toujours. S'adresse à Dieu est universel. Exactement, exactement. C'est le Dieu de tous les hommes. C'est beau, c'est beau comme histoire. Ah ouais, c'est très très beau. Alors, ah ouais. Une autre anecdote, j'en ai une, je suis à le même jour, hein. Ouais. Je suis à Ouveillan, nous sommes dans une salle, c'est Jean-Jacques Goldman qui m'a incité à aller là-bas, on a un pote donc en commun, qui est le maire maintenant d'Ouveillan d'ailleurs, d'accord. Jean-Paul Chalulot, et on joue, quand Jean-Jacques il allait faire un concert là-bas, à coup il flottait, j'étais avec lui, il m'a dit « Vas-y, occupe les gens, le temps que la pluie s'arrête. » J'ai dit « Mais qu'est-ce que je leur dis ? J'ai 4000 personnes devant moi, et ils flottent, et je fais le con, quoi. » Et voilà, donc, ça fait partie donc, des salles que j'ai ensuite faites régulièrement. Et là, ce jour-là, j'attaque le spectacle au bout de 20 minutes. J'attaque donc, comme on est en plein air et qu'il fait encore jour, et qu'on est vers l'été... j'attaque un petit peu tard, tu vois, genre vers 10h, quoi, un truc comme ça, 9h30, 10h. Ouais, le temps qu'il fasse nuit, quoi. Je fais à peu près un quart d'heure de spectacle, j'entends bam, 2 explosions, on est sous le vent, tu vois, du village d'à côté qui fait son feu d'artifice. Oh là Puis on là. est le 13 juillet. Oh Et donc, comme ils étaient plusieurs à faire des feux d'artifice, il y en a un qui disait le 13 et l'autre le 14. Eh Hein. oui, eh oui. Donc, je ne pouvais pas m'y attendre. Et je me cogne, Oh là alors que là. je suis en plein spectacle, je me cogne 25 minutes de feux d'artifice. Bam, Ah, punaise. bam, Eh? bam! Pendant 25 minutes. Ah oui, quand À chaque même, fois que ça claquait, je disais, dis donc, ils ont du fric à côté, oui. hein. Tu vois, les gens ont hurlé de rire. J'ai fait 25 minutes d'improvisation, Oh là là. si tu veux, après chaque pétard du feu Mais d'artifice du oui. village voisin. Ça aurait été vraiment Voilà, et. parfait de pouvoir caler chaque explosion, tu sais, juste après tes chutes. Ça aurait Sur été un crêpe, parfait. quoi. Ah ouais, ça aurait été parfait, là, Donc, vraiment. c'était extraordinaire. Et puis, pas très loin d'Ouveillan, un autre jour, pareil, en plein air, j'ai un papillon Ah. de jour, pas un papillon de nuit. Tu Ouais, sais, le ouais. gros. Le gros Ouais, les papillon bons gros papillons, ouais. marron carmin avec les cocardes, tu sais, Ouais. qui en fait simule les yeux, c'est pour éviter les prédateurs. Ouais. Et il vient se poser, tu le crois, sur mon épaule. Pendant Il est le... Ah énorme, ouais. sans mentir. Il fait 8 cm d'envergure, quoi. Wow. Ah, Il c'est est rare. magnifique. Ils sont Donc, craintifs en tu vois, général. je souffle dessus, je dis, laisse, c'est moi qui parle. Ouais, Pour le spectacle, il faut absolument me laisser tranquille. Il s'envole, attiré, tu vois, par toutes les lumières. Il s'envole et 10 secondes après, il revient sur l'autre épaule. Et je me suis cogné ce papillon, pareil, un quart d'heure, 20 minutes. Ah. C'était mon copain, le papillon agit, c'est un cabotin. C'est Je lui beau, ai c'est beau. inventé une Ah, histoire d'où il était né, comment il s'appelait, c'est que beau, ses c'est beau. parents, ils devaient certainement s'inquiéter, qu'il fallait absolument qu'il rentre. Ce n'est pas le soleil, ce que tu vois, c'est des projecteurs, tu vois. Et j'ai parlé à ce papillon pendant 15 minutes. Ah, c'est beau, c'est beau. Et est-ce qu'il t'a coûté cher en cachet? Ah, non, non, mais je l'ai fait passer pour un assistant. Ça a été. C'est Je l'ai beau. mis intermittent du spectacle, tu vois. Et puis c'est bon, quoi. Ah, ben magnifique, franchement. Surtout que les papillons, je veux dire, d'habitude, c'est craintif, quoi. Mais tu vois, c'est. Comment ce sont des anecdotes qui auraient pu être Ah emmerdantes. ouais. Et qui en réalité se sont transformés en merveilleux souvenirs. C'est Hein. vrai, c'est vrai. Ben c'est là J'en le... ai encore un autre, hein, on est Oui? près de Saint-Tropez. Hein. Ah. Et je démarre, on est en plein après-midi. Hein. Spectacle, on est deux, trois artistes, et quand arrive mon tour, on s'aperçoit que juste à côté de la scène, il y Ouais. a la municipalité qui fait des baptêmes d'hélicoptères. Je sais pas si tu vois, toutes les 7 minutes, tu avais un Ah hélicoptère ouais. Oh là là là là. qui décollait ou qui atterrissait, tu vois, Oh là là. en faisant du vent dans tous les pendrillons de la scène. Ça, si, c'était assez comique, quoi. Est-ce que tu penses que c'était Ah la commune d'à côté d'Ouveillan qui te l'a envoyé ou pas? je sais pas, je pense pas, Ils non. étaient peut-être tellement fans qu'ils te suivaient partout, c'est tout. Ah bah écoute, en tout cas, j'ai dans le sud des anecdotes comme ça formidables. Ah, mais en tout cas, c'est Voilà. bien. Et puis, bah, tu vois, le vrai professionnel en humoriste, c'est un peu le but aussi, quand je récolte un peu les anecdotes comme ça des humoristes, c'est vraiment de montrer que les professionnels, les vrais professionnels, ce sont ceux qui savent se servir de Qui ce qui se se passe. démonte pas et Voilà. qui profite du manque. Si te Exactement. manque quelque chose, eh ben il faut en profiter. Exactement, ça te pousse dans tes retranchements et c'est exactement le but. C'est prendre tout ce qu'il y a, c'est ça le spectacle, c'est pour ça qu'on appelle ça le spectacle vivant. C'est vraiment prendre tout ce qu'il y a, se nourrir de tout ce qu'il y a Ouais, et le transformer en une exactement. force. Et donc vraiment. Y compris les emmerdements. Ah ouais, tout, on prend tout. En tout cas, ben, c'est vraiment, vraiment de belles histoires et t'as réussi, ben, fort de ton expérience, forcément, t'as réussi à tout retourner vers le positif et c'est des belles Exactement. anecdotes, quoi. Hein, et je suis ravi d'avoir pu les recueillir, vraiment. Merci beaucoup, Jean-Marie. Ok, Sofiane, Avec tu me grand rappelles plaisir. quand tu veux. Avec grand plaisir. On retrouve toutes tes dates sur Facebook, tout ça, sur Oui, Instagram. bien sûr, bien Ouais, sûr. je J'ai mettrai. 50, Ouais. j'ai 54 dates entre la mi-janvier et la Ouais. fin juin. Eh ben génial. Je mettrai les liens de tes réseaux sociaux De ma tournée, d'accord. sur le podcast et merci encore. Je vais jouer un spectacle de blagues avec Renaud Rutten, Ah oui. 2 heures de blagues. Et je vais Ah. jouer une pièce de théâtre avec Patrice Lafont qui s'appelle Dernier tour de piste. Ça doit être prémonitoire. Et puis j'ai mon super mon super best-of, le spectacle de toute ma vie, quoi. Ah, ben franchement, faut Parce pas que je rater suis trois ça. spectacles. Eh bien, mesdames et messieurs, ne ratez pas ça. Il y aura toutes les dates sur les réseaux sociaux de Jean-Marie Bigard et j'imagine sur le site officiel, c'est Bien bigard.com. sûr, bien sûr. Voilà, Allez, bon, www.bigard.com. je te fais des gros Merci beaucoup, bisous, gros Sergio. bisous à Ça m'a toi. fait plaisir de parler avec toi. Eh bien, plaisir partagé. Merci pour ta gentillesse et vraiment merci d'inspirer la jeune génération. Allez, Merci. à bientôt. Bye. Salut. Pour ma part, mesdames et messieurs, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.